Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bon matin, chers amis, et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 45. J'espère que tout le monde est en forme. Ça fait drôle de parler. Ça fait deux semaines à peu près que j'ai pas enregistré. Ça fait deux semaines qu'il n'y a pas eu de podcast, que j'ai pas fait de podcast personnellement. Il n'y a pas de raison précise à ça, en fait, autre que je me levais tard parce que je me couchais tard, j'avais des gogos le matin à faire. Puis je suis encore à la maison avec les enfants, en fait, donc ça change pas. Par contre, les camps de jour sont réouverts. Alors on est vendredi le 26 juin. Et puis, à partir de la semaine prochaine, et puis pour tout le mois de juillet, mon plus jeune va aller au camp de jour. Donc, ça, c'est bon, parce que mon plus vieux est rendu assez grand pour rester, pour se garder lui-même à la maison. En tout cas, on espère. Il est trop vieux pour aller dans un camp de jour à 12 ans, là, ça n'a plus rapport, là, tu sais. Fait que, il a tout ce qu'il faut, il va avoir son dîner, ses affaires. On veut juste pas qu'il niaise son téléphone toute la journée, hein, tu sais. On veut qu'il aille dehors, qu'il voit des amis, puis tout. Je pense qu'il va le faire, mais quand même, ils sont jeunes et puis ils ont besoin d'être coachés à ce niveau-là. Donc, c'est ça. Ça veut dire qu'à partir de la semaine prochaine, je vais vraiment être en mesure là, de travailler pour un mois. Après ça, mois d'août, c'est les vacances. Tu sais, pour moi, les vacances, ça fait pas de sens vraiment. Tu sais, je travaille pas depuis le mois de mars. Là, c'est ridicule. Mais ma blonde, elle a vraiment besoin de vacances puis on va être en vacances. Donc, d'ailleurs, on est supposé aller à Sandbanks en Ontario. On a loué un chalet avec des voisins il y a de cela bien longtemps. Et puis, c'était au début, c'est prévu pour le début de août. Alors, j'espère que ça va marcher. À date, il n'y a rien qui dit que ça pourrait ne pas marcher. Excusez, le nez me pique. Il n'y a rien qui dit que ça pourrait pas marcher. Alors, on va faire ça. Et puis, on essaie d'avoir une tente Utopia ou quelque chose, un camping. Vous savez ce que c'est? Vu que tout le monde reste au Québec, ben, il n'y a plus de place nulle part dans les campings ou quoi que ce soit. Donc, c'est drôle d'époque. Drôle d'époque. Mais ouais, c'est ça. Donc, j'ai bien des choses à faire. Je vais recommencer à avoir de la liberté quand même. Parce que là, je suis assis ici. Il est 8h53 du matin, précisément. Je me suis même fait une pinte de bière. On dirait que c'est ça, hein, mais non. C'est une belle pinte de café, mesdames et messieurs. Par contre, je trouve ça nice de mettre ça dans une pinte de la Bat 50 de même. Ça, c'est une vraie pinte qu'on a. Je sais plus si on en a encore de ce modèle-là chez Arcane Montréal. Je nous ai volé ça dès les débuts, et puis je bois très pas mal tout le temps avec ça chez nous. Parce que ça va dans le lave-vaisselle, c'est résistant, et puis le format, il est parfait. Donc, ouais, c'est ça. Puis, j'ai pas beaucoup de temps le matin pour faire mes affaires parce que les enfants, ils ont besoin de moi. Puis, à l'après-midi, oublie ça. Fait que, c'est ça. Là, je vais être non dérangé toute la journée si je veux. Je me souviens même pas du feeling d'être assis toute une journée pour travailler. Moi, je veux ça, là, tu sais. Ma blonde me disait, vois ça comme des vacances. Je veux pas de vacances. Moi, je veux travailler. Quand j'étais dans la semaine de relâche, j'étais en train de me rebrasser dans ma tête. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je retourne sur le marché du travail à temps plein? Est-ce que comme je deviens vraiment temps plein au magasin, est-ce que c'est suffisant? Je refais-tu mon portfolio? Je commence à parler à des gens. J'essaie de brasser un peu mes contacts. Puis le COVID est arrivé. Puis là, ben, fait que j'étais au même point que j'étais dans ma tête il y a des mois de cela. Donc, c'est ça. Puis c'est bien dur. Je fais mon possible pour développer des trucs, faire des contrats, whatever. Mais ça a été bien préoccupant, là, toute cette période-là. Fait que je vais revenir un peu à la normale. Et puis, il va y avoir une vraie rentrée scolaire avec les vrais élèves dedans les écoles en septembre. Fait que ça, j'étais vraiment content, là, sérieux, ça. En septembre, officiellement, c'est sûr là, que la vie du travail va reprendre comme d'habitude, du moins ici. Et puis ça me remplit de bonheur, ça. Ça me remplit de bonheur. Donc, oui, alors, c'est ça, je considérais aussi, vu que j'arrive pas à être 100% tête là, sur faire, mettons, un podcast à toutes les semaines. Et puis, moi, mon podcast aussi, dans le fond, j'ai des Patreons. Ça, c'est des gens qui veulent bien me donner une petite contribution monétaire à tous les mois. Puis, vous irez voir ça sur ma page, vous avez vu au début de l'émission. Bref, dans le fond, il y a trois palier, si je peux dire. Il y en a un de 2$, tu donnes 2$. L'autre, c'est 3$ et tu as accès à mon podcast en exclusivité et donc avant les autres. Et puis, tu as accès aussi à mon channel Discord pour jaser. Et puis, l'autre, c'est 20$ par mois. Par contre, là-dessus, moi, je donne une carte cadeau, dans le fond, de 10$ aux gens chez Retro Montréal. Donc, dans le fond, c'est comme si tu payais 10$, puis si tu sais que tu vas dépenser chez Retro Montréal, ben, t'as un crédit. Alors, voilà. Et puis, dans le fond, ce que je remarque, c'est que le dernier épisode, quand je l'ai donné en priorité aux gens, comme d'habitude, aux Patreon, qui payent 3$ et plus, il n'y a pas grand monde qui l'écoute anyway en priorité, à ce que je vois, là, tu sais, quand je regarde les views. Fait que... Je sais pas, puis le fait de l'offrir en priorité, comme là j'enregistre ça vendredi matin, donc vendredi midi si je suis chanceux puis qu'on me laisse tranquille, je vais être capable de le sortir. Mais là, si je le sors tout de suite, c'est pour une certaine gang de personnes qui vont peut-être pas l'écouter tout de suite nécessairement ou qui s'en foutent un peu parce que, tu sais. Donc je me demande à quel point c'est une si grande plus-value de l'offrir en exclusivité à mes Patreons versus comme juste le donner à tout le monde, tu sais. Je pense pas que ça dérangerait mes Patreons que de pas avoir une certaine exclusivité puis que tout le monde l'ait en même temps, là, dans le fond. Donc, puis moi, ça me sauverait du gossage, là, pour être franc. Je serais juste comme, je fais l'épisode, bang, je le mets en ligne, merci tout le monde. Donc, je crois vraiment que je vais revoir mon Patreonnage et que je vais réajuster ça à ne pas avoir de palier, dans le fond, et puis tout le monde contribue comme il veut. De 50 cents, 1 piastre, 100 piastres. C'est une blague. Mais c'est ça. Comme Rétro Nouveau, dans le fond. Rétro Nouveau, tu donnes ce que tu veux. Il y en a qui donnent 1 piastre, il y en a qui donnent 5 piastres, tu sais, il y en a qui donnent 10 piastres. Donc, je pense que ça serait vraiment plus simple et plus gérable. En fait, il n'y aurait pas de gestion, donc ça serait plus facile à gérer comme ça. Et surtout, je me sentirais peut-être un petit peu moins mal là, de quand j'arrive pas à sortir un show, qu'au moins quand ça se fait, ça roule de même. Là, t'sais. Alors, je vous annonce de façon semi-officielle que dans le fond, je m'enligne là-dessus. Chers Patreons, alors, ben merci de m'encourager. Et puis, c'est ça, je pense pas que ça va tant que ça vous déranger si je change ma formule. Et puis, vous pouvez ajuster ou changer ou quitter Patreon quand vous voulez. T'sais. Donc, vous pouvez baisser votre contribution de 2 piastres à 1 piastre, si vous voulez. Là, t'sais. Donc, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez avec ça. Et puis, moi, c'est pour gagner de la flexibilité. Donc, je risque de faire ça très bientôt. Je vous avertirai. Et puis, vous avez vu aussi que Rétro Nouveau est revenu. Dans le fond, on n'a pas eu une pause qui a duré très longtemps. On a enregistré la semaine passée dans la cuisine chez Fred. Parce que là, les règles ont changé. Puis, on pouvait se voir dans les maisons. Nanana. Je pense qu'on était un petit peu plus tôt que la vraie date officielle. Mais, tu sais, fuck off. Et puis, donc, on a décidé de faire ça. Et puis, ça a vraiment fait du bien. Ça a vraiment été... C'est définitivement plus plaisant de faire un podcast en personne là, que de le faire via Zoom ou Skype ou whatever. Là. C'est dégueulasse enregistrer des podcasts comme ça. C'est pas plaisant. Ça tue le dynamisme. Moi, j'aime pas ça du tout. Et puis là, on était chez Fred dans sa cuisine. Moi, en plus, je peux y aller en vélo. Donc, c'est bien plaisant. On est chill. Donc, c'est ça, Rétro Nouveau est revenu. Et puis, ça, je suis bien content. Et puis, là, Fred, il va travailler son setup aussi. Je pense qu'on va retourner dans sa gaming room pour enregistrer officiellement le podcast de Rétro Nouveau. Et puis, on va peut-être aussi... il a tout réaménagé ça un peu. Donc, on va avoir plus d'espace. On va voir tout son set de Genesis en arrière. Ça va être très joli. Et puis, c'est ça, on va travailler là-dessus, là, l'éclairage et tout, tranquillement. L'important, c'est vraiment qu'on soit de retour. Et puis, voilà. Donc, allez écouter le dernier épisode de Rétro Nouveau. Ah, et puis, la grosse nouvelle, en fait, qui est arrivée hier, pour moi, c'est la réouverture des bars. Donc, hier, le docteur Arruda nous a annoncé qui allait nous lâcher un peu de tenir d'un câble et puis qu'on allait avoir le droit de réouvrir nos bars. Donc, bien sûr, nous, les pauvres tenanciers de bars, on passe en dernier. Je comprends, par exemple, t'sais, parce que le monde, ils prennent la boisson, le monde, ils sont collés dans les bars et tout, t'sais, mais c'est ça. Donc, on est bien contents. Ça aurait été le fun. Ça aurait été le fun d'une annonce graduelle, t'sais, pas genre, OK, vous pouvez ouvrir. C'est comme, ben, Chris, faut se préparer. Qu'est-ce que tu penses? Il n'y a plus de bière dans le bar, là, t'sais. Pas que c'est dur d'avoir de la bière, là, on en commande, puis c'est ça, là, t'sais, mais il faut préparer le staff. Il y a mille affaires à préparer, t'sais. Ça aurait été bon qu'ils disent un petit peu d'avance, mettons. Puis bon, là, il y a du monde qui semble pas comprendre la différence, c'est qu'il y a des bars avec des permis de bar, comme le nôtre, où est-ce qu'il n'y a pas de bouffe, et puis il y a des bars qui ont un permis de resto, dans le fond, là, où est-ce que tu peux boire, mais il faut que tu manges, où il y a de la bouffe, donc. Puis là, pendant une courte période, c'était, s'il y a de la bouffe, vous pouvez ouvrir, mais il faut que les gens soient assis, il faut que les gens y mangent. Puis là, finalement, ça n'a pas duré longtemps, genre une semaine. Après ça, ils ouvraient tous les autres bars. Fait que je suis content qu'on n'ait pas commencé à gosser. Il y en a des bars qui ont comme juste... se sont mis un grill à panini pour essayer d'ouvrir. Ah, c'est drôle. Mais je suis content qu'on ne soit pas lancé dans ce gossage-là, dans le fond, puis qu'on peut juste réouvrir, pas de bouffe, là, ça va être parfait. Mais ouais, là, nous autres, on vise une réouverture officielle vendredi, le 3 juillet. Et puis, mais c'est ça, les bars, ils doivent tenir compte de toutes les mesures en place des restaurants. Donc, là, eux autres, ils pensent là, que tous les bars, ils ont des tables et des chaises là, bien alignées, que c'est un grand rectangle, puis tout le monde peut être assis là-dedans, puis tout le monde est servi comme... C'est pas ça, là, les bars, là, c'est du monde debout, là, tu sais. Fait que c'est bien tannant, ça, là, être assis, faut être assis, que ça bouge pas là-dedans, personne bouge, comme, hey, fuck you, là, c'est impossible, là, ça arrivera pas, ça, là, tu sais. Donc, oui, nous autres, il va y avoir du monde assis, bien sûr, tout le monde va s'asseoir, asseyez-vous. On a des tables, on a des tabourets. Pour ce qui est des arcades, là, j'étais justement, avant de commencer le show, en train de discuter avec mes partners et puis il faut qu'on travaille là-dessus. On se demandait si on ouvre une machine sur deux, comme ça il y a une distance entre les joueurs, ou est-ce qu'on met des plexiglas vraiment entre les machines, qui est une idée assez farfelue à mon avis, mais un de nos partners dit que ça pourrait très bien se faire et qu'il y a des contacts de plexiglas. Imagine des cubicules, ping, ping, ping. C'est fou, Red. C'est probablement ça qui va arriver en plus. Donc, ça va être assez spécial, ça. Ça va être une vision assez unique, disons. Et puis, on va checker aussi ce qu'Amusement 2020 là, à Laval, ils font. Là. C'est une grosse arcade, ça. Peut-être, lui, il y a de la place à les distancer, tu sais, mais pas nous autres. Là. Puis, on s'entend, on sortira. On commencera pas à tout heure déplacer les arcades, faire tout un boucan là-dedans. Là. Donc, ça pourrait être une option. Et puis, lavage de main en arrivant, il y aurait une bouteille de Purel à chaque arcade, parce qu'il y a des porte-gobelets pour les bières aux arcades, fait petite bouteille de Purel là-dedans, c'est parfait. Et puis, that's it, on va rouler comme d'habitude, on va être à effectif réduit et à client très réduit aussi, en fait. On fera pas de tournoi, du moins pas tout de suite, là, on va commencer par ouvrir, juste comme rouler. Et puis, c'est ça, il n'y aura pas de, mettons, de gros samedi soir tournoi de Smash avec des tonnes de personnes dans la place puis du va-et-vient, tu sais, ça sera plus pareil, là. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Dans le fond, là, dans le fond, on a été les premiers, nous, les bars, à fermer, puis on fait juste brûler de l'argent, dans le fond. Mais nous, on est bien chanceux d'avoir un loyer pas trop élevé puis d'avoir des frais de base assez bas. Donc, on continue à se maintenir très bien, mais c'est sûr que ça peut pas être éternel. À un moment donné, il n'aura plus d'argent. Puis, il y en a en maudit des bars qui ont fermé. Donc, nous autres, on est encore capable de tenir. Mais là, si on peut rouvrir, on va réouvrir. Puis, l'idéal, je pense pas qu'on peut être si profitable que ça. Ça veut dire que nous, les actionnaires, on pourra pas se payer avec les profits du bar. On n'aura pas de dividendes parce que le bar ne générera pas assez de profits pour qu'on puisse le faire. Mais au moins, on pourra, si on est juste capable de payer nos frais, de faire nos frais, et puis de se maintenir comme ça le temps que la vie revienne à la normale, ben ça sera ça, t'sais. Parce que là, le bar fait juste perdre de l'argent. Ça fait juste comme couper l'hémorragie, ben puis qu'on puisse comme continuer d'être vivant comme ça. Ben c'est ça qu'on va faire, puis ça sera ça en attendant. Moi, ça me pose un problème personnellement, par exemple, parce que moi, je vis des profits du bar et du magasin. Je vis des dividendes des deux places, plus mon salaire d'employé de magasin puis mes petits contrats que je fais. Là, la PCU a été prolongée, ce qui est une bonne chose, mais moi, quand il n'y aura plus de PCU, et puis ben, les enfants vont retourner à l'école de toute façon, quand j'ai plus de PCU, puis le bar n'est pas capable de me fournir des dividendes, ben ça fait un énorme trou dans mon budget, là, on s'entend. Fait que va falloir que je réorganise ma vie un peu. Je sais pas ce qui va se passer, je sais pas je vais checker qu'est-ce qu'il faut faire. Les grosses dépenses arrivent aussi, là, l'école secondaire, ça commence. Fait que nous, notre garçon, il va aller à l'école privée. Donc ça, c'est beaucoup d'argent. Il va faire du sport-études hockey, ça, c'est beaucoup d'argent. Et puis, il faut y acheter tous ses uniformes, son ordinateur, tous ses gogos. Et puis, ça va coûter cher, ça, c'est des grosses dépenses à venir. Les balcons en avant de chez nous sont en train de s'effondrer, sauf qu'on les fasse refaire. La clôture en arrière est tout détruite à cause qu'on a excavé le sous-sol. Fait que je suis même plus capable d'ouvrir la porte pour faire rentrer mon char. Fait que ça, avec, ça va être refait. Ben, excusez-moi. Fait que, ouais, c'est y a beaucoup de dépenses et puis pas beaucoup de revenus qui arrivent. Mais au moins, il n'y a pas beaucoup de dépenses de base là, t'sais, dans le roulement de la vie, l'essence, service de garde, whatever. On économise parce qu'on est bien gros à la maison. Mais tu vois, ça avec, ça commence à reprendre du poil la bête. On recommence à aller au resto, on recommence à faire des activités. Donc, toutes ces dépenses-là vont réembarquer, c'est sûr. Alors, écoutez, je sais bien pas ce qui va se passer avec tout ça. Je peux juste travailler le plus possible, puis... essayer de saisir les opportunités qui vont se présenter. C'est quand même... ben, tout va bien, puis je suis pas mal pris du tout. Puis voyons, Chris, vas-tu mourir? J'ai de la misère à gérer, excusez. C'est dur de parler de même, ton corps, il travaille en même temps. c'est ça, j'ai un bon coussin, puis je suis pas dans la merde, là, tu sais, mais moi, je pense tout le temps... vraiment plus loin, tu sais, comme s'il y a un mur qui arrive, je veux le voir venir de très très loin. C'est pas comme en avant du mur qu'il faut commencer à penser à des solutions. Donc je suis là-dessus. Là, on va voir qu'est-ce qui va arriver du bon vieux papa cassette. Est-ce que je retourne travailler à temps plein? Est-ce que comme je m'ouvre un poste officiel au magasin puis je suis là à 100%, tu sais, comme je sais pas partout. Mais une chose à la fois. Là, la prochaine chose à faire, c'est de réouvrir le bar puis de faire que ça puisse rouler bien, sans qu'on soit en suradministration de ça. Fait que on va se concentrer là-dessus. Sinon, Rétro Montréal va très bien, comme d'habitude, même plus que l'année passée, d'après notre comptable, donc je suis vraiment content. C'est sûr que pour tous les magasins de jeux vidéo, je parle souvent, moi, avec Jason, de Flip à Québec, et puis eux autres avec, là, dans le COVID, là, comme les ventes ont skyrocket, là. Tous les magasins, les vrais, ceux qui existent, puis ceux qui sont sur la map, là, pas les revendeurs, puis tout ça, là, ben probablement eux autres aussi, là, mais... tous ceux-là qu'on peut atteindre parce qu'on existe, les ventes ont vraiment explosé durant le COVID. Et puis, ça se maintient encore quand même pas mal. Quoique là, c'est l'été, alors il fait beau, le monde a vraiment envie de sortir dehors avec le déconfinement. Mais ça reste quand même, et puis ça va super bien, donc ça, je suis bien content. Et puis, là, on va retravailler un peu notre staffing aussi chez Rétro Montréal, comment est-ce qu'on fait ça? On a besoin d'une deuxième personne pour rentrer de l'inventaire, pour mettre du stock en ligne, parce que là, on n'a rien acheté. On n'achetait pas de l'eau pendant le COVID, mais là, on a recommencé, et puis je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on se fait offrir beaucoup de stock, puis on achète tout. Fait que là on a du stock en hostie. On va se le dire, en hostie. Et puis, justement, tantôt, à 4 heures, il faut que j'aille au magasin pour accueillir quelqu'un qui va nous livrer un très gros lot. En plus, je m'étire. Ça fait pas longtemps que je suis levé. Mais j'ai pris ma douche, hein. J'ai tous les cheveux mouillés encore, là, voyez-vous. Ma chevelure, là, ça roule, les cheveux, ça roule. Ouais, fait qu'on a un super beau lot qui rentre tantôt, là, j'ai bien hâte de voir ça. Et puis, fait que le stock, il rentre, là. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. on avait beaucoup d'argent, et puis là, on dépense beaucoup d'argent pour acheter beaucoup d'inventaire. Fait que ça roule. Donc, tout est payé. Les taxes, ça, c'est trimestriel, mais les impôts, les taxes municipales, tout ça, on est tout à jour là-dedans. Donc, je suis bien content de ça. Et puis, les taxes municipales, c'est pas trop pire pour le magasin. Pour l'arcade, ça coûte cher, les taxes municipales, dans un bar dans le quartier latin. Mais, ouais, qu'est-ce qu'on en dépense? De l'argent. Ah, oh, man, l'argent qui bouge. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais, ouais, parlant d'argent qui bouge, en fait, j'ai pas fait de podcast la semaine dernière, mais j'ai fait un petit live avec mon garçon sur Facebook. Vous avez vu ça. Je stream plus aussi, hein. J'ai comme, vous voyez, mon pauvre décor en arrière, j'ai comme... J'aurais aimé comme mettre de chaque côté de l'écran, j'essaie de viser comme il faut, là, une bande, un petit visuel ici, là, tu sais, mais j'ai même pas pris le temps de le faire, là. C'est vraiment trash, là. On voit toutes mes patentes empilées en arrière, là. Je suis désolé, la vie est trash, c'est trash présentement. Et puis, j'ai pas eu le temps de faire ça, mais ça va venir, je vais remettre de l'ordre là-dedans. Puis, ouais, je stream vraiment plus ces temps-ci. C'est ça, ben dans le fond, tu sais, pour revenir un peu à ce que je disais avec Discord et les Patreon, au début de la COVID, j'ai comme, ah, tu sais, comme je développe mes shit, beaucoup de podcasts, beaucoup de lives, beaucoup de tu sais, du streaming, puis tout ça, puis j'étais comme super, yeah, man, je vais mettre ça direct, je vais créer une structure, tu sais, puis je vais rester dans cette structure-là, puis je vais essayer de booster le value de mon produit. Mais j'arrive pas à être tight là-dessus, là, pas en tout. Ben, comme la plupart du monde, hein, vous savez ce que c'est, il y en a beaucoup de gens qui font du YouTube, des YouTubers bien intentionnés, tout le monde se porte des projets, puis tout le monde a de la misère à les maintenir. C'est parce que c'est beaucoup de travail, puis ça prend beaucoup de temps. Et puis, c'est ça, c'est une question de temps, là, sérieux. Puis, on est tellement épuisé que quand on a du temps, on est comme, ah, je sais pas, je fais juste comme... Je m'écrase, là, puis je game, là, tu sais. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, mon setup de streaming, il est simple à starter. Mais Chris, il y a tout le temps des bugs, là, puis ça m'énerve. Fait que c'est pas comme je voudrais. Puis, tu sais, l'écran, j'ai pas de contrôle sur ce que je fais. Tu sais, c'est comme je suis imposé par le logiciel de le rouler de même. Ça écrit tout le temps fucking Metal Storm en train de jouer à Metal Storm alors que c'est pas le cas. Ah, sérieux, ça me gosse en esti. Si au moins c'était responsive cette affaire-là, mais ça ne l'est pas. Donc c'est ça, je stream moins pis tout, puis pourquoi je suis parti là-dessus? Hein? Je me rappelle plus. Ah oui, live, c'est ça. Donc, au moins j'ai compensé, entre guillemets, avec un genre de petit live avec mon garçon. Eugène, vous avez vu, j'ai fait un genre de... J'ai mentionné les étapes de l'arrivée de ma boîte de jeux Game Boy la semaine dernière. Je l'ai eu finalement, cette boîte qui contenait au-dessus de 300 jeux Game Boy avec quelques jeux Game Boy Advance et Game Boy Color. Tout ça est sur ma page Facebook. Allez consulter ma page, là, reculez un peu, vous allez voir toutes les posts, vous allez voir le live et tout. Donc j'étais bien content. Pour faire une histoire courte, c'est la collection complète d'un gars en Floride que j'ai acheté via une page Facebook. Et puis le gars, il avait un faux nom, tu sais, sur Facebook. Ça avait l'air d'une vraie photo de profil, mais pas actif pantoute. Puis, ben, c'est ça, il me montre ça, puis tout. Je suis comme, ah, ben, OK, j'évalue sur Price Charting sa collection. Il y en avait pour X montant, tu sais. Mettons qu'il y en avait, c'était en US, on va parler en US. Donc, mettons qu'il y en avait pour 4000 US, c'était pas mal ça. J'y ai offert 2000, et puis il était comme bien content. Il était, lui, ça faisait son affaire au bout. Puis il m'a montré les jeux, il a fait des belles photos, tu sais, comme je voyais tous les jeux comme il faut. L'état était bon, il n'y en a pas trop qui sont scrap, c'était... Mais dans l'eau, tu sais, il n'y a pas... À part Castlevania Legends, ça c'était le gros jeu. Pour le reste, il n'y avait pas un jeu au-dessus de 100$ là-dedans, tu sais. Il n'y avait pas les jeux de patates, il n'y avait rien, là, tu sais, de gros jeux. Mais il y avait plein de fillers que j'avais pas, et puis plein de petits jeux à 20$, 30$ que j'avais pas non plus. Et puis plusieurs que j'avais aussi, donc tu sais, c'était comme un middle, c'est pas juste du high-end, c'était un middle collection avec un peu de high-end dedans. Donc c'était bien balancé là, au niveau pour l'acheter, là. Donc c'est sûr. Et puis donc j'y ai envoyé l'argent, j'y ai dit, mets ça dans une boîte, prends une photo de la boîte, print le label, envoyez-moi une photo du label, et puis je vais te payer PayPal, avec les frais pour avoir une protection, pas en friends and family, mais comme un service. Et puis, dans le fond, quand tu payes comme ça, c'est plus cher parce que tu payes pour être backé. Donc, j'ai payé pour ça. Je ne me rappelle plus combien de plus ça a coûté, une couple de dizaines de piastres. Et puis, voilà. Donc, puis ça a pris bien du temps, énormément de temps. J'ai payé le gars le 19 mai. Et puis, j'ai reçu cette affaire-là la semaine dernière. Donc, on peut dire comme un mois et une semaine à peu près plus tard. Et puis, c'est resté de jamais à Post Canada pendant super longtemps. C'est parti vite des États-Unis à Post Canada. Puis ça a jamais à l'entrepôt de Post Canada pendant super longtemps. Et vous avez vu sur ma page Facebook, dans le fond, quand j'ai... À un moment donné, ça a comme débloqué le tracking. Puis là, c'est comme, oh, ça arrive lundi. Lundi, man, je capotais. Finalement, lundi, il n'y a rien eu. Mardi matin, il y avait un petit papier dans ma boîte à mail qui me disait « Va le chercher à telle place. » Mais telle place, c'était... Il y avait juste 22 piastres de douane écrit sur le papier. En plus, je suis comme « Chris, pas pire, tu sais. » Puis, il fallait que j'aille le chercher, par exemple, dans un Jean Coutu dans l'Est. C'était vraiment plus loin. Jamais qu'on m'envoie là, d'habitude, pour aller chercher mes colis parce qu'il y a Masson à côté ou bien Rosemont. Fait que c'est là que je vais. Mais je pouvais pas y aller cette journée-là parce que j'avais pas le char, tu sais. Fait que le lendemain... J'avais pas le char encore, mais le lendemain, parce que ma blonde avait besoin, mais le lendemain, on m'a laissé un autre petit papier qui disait « Oublie l'autre carte, c'est celle-là la bonne. » Puis là, fallait que j'aille sur Masson. Puis c'était pas mentionné de frais de douane dessus. J'étais comme « Yes! Je peux y aller en vélo, alors. » Puis j'ai fait ça. Je pensais y aller en skate, que la boîte était grosse, j'aurais pu la rouler sur le skate, mais finalement, après réflexion, j'ai un genre de panier sur le vélo familial ici. Donc ça rentrait dedans. Mais c'est ça, la surprise, c'est que ça m'a coûté 420$ de douane pour récupérer mon colis, ce qui est totalement affreux. Pour éviter ça, il aurait fallu que je dise au vendeur de mentir sur la valeur du colis, tu sais, qu'on dit que ça vaut 500$ ou whatever. Mais je voulais vraiment pas, en même temps, tricher là-dessus. Parce que, écoute, je connais pas ça, peut-être que ça aurait marché quand même, mais je le sais pas. Mais je préférais qu'on triche pas là-dessus. Comme ça, si ça se perd, au moins, puis je savais que la poste c'est de la merde ces temps-ci. Si ça se perd, ben je vais avoir mon argent, le vrai value du truc, là, tu sais. Donc, j'ai décidé de faire ça, mais je pensais vraiment pas que les frais allaient être aussi astronomiques, là. Donc, c'est malheureux. Cependant, vu que j'avais payé 50% de la valeur, en fait, j'avais payé, je l'avais calculé, j'avais payé 56% de la valeur, la collection. Donc, en rajoutant ces frais-là, ça revient que j'ai payé le tout à 60% de la valeur, ce qui est quand même un très bon deal, vu la qualité du stock. Et puis, j'ai passé une semaine, pratiquement une semaine, sérieux. J'ai fait ça de façon très anale et puis c'était très agréable. Très agréable anal de collectionnage et puis des théories freudiennes hein, quand je parle d'anal. Je parle beaucoup d'anal moi, mais c'est pas l'anal sexuel, c'est l'anal... Ben, c'est tout relié au sexuel, les théories de Freud, mais c'est l'anal d'organisation, tu sais. Vous checkerez ça. Cours de philo, cégep. C'était fascinant d'ailleurs. Donc, j'ai placé ça, ben... Ah, c'est con, à chaque fois que je prends une gorgée de café, la caméra a défocus. Excusez. De toute façon, c'est pas comme si vous manquiez quelque chose. Et puis, visuellement, c'est juste moi puis mon tas de vidange en arrière. Et puis, ouais, j'ai passé chaque jeu un par un. J'ai commencé par sortir du lot tous les jeux que j'avais pas. Et puis, j'étais très content de constater. Je pensais que j'allais en gagner 40-50 là-dessus. Puis finalement, c'était 78 jeux que je n'avais pas. Donc là, ça a boosté mes affaires. Je vais vous dire mon décompte, ça ne sera pas long, j'ouvre mon application de téléphone. Alors, je suis maintenant à 432 sur 506. Donc, je suis vraiment proche de la fin. Et puis, ben, je suis près de la fin, là. Vraiment proche, c'est quand il va m'en manquer une dizaine. Mais je suis vraiment pas loin, là, je trouve. Là. Puis ce qui me manque, c'est pas si rough. Donc, ben, sur le 432, il y en a peut-être 3-4 là, qui sont arrivés d'une autre place. Bref, ça m'a fait faire un gros jump. J'étais vraiment content. Fait que là, ce que j'ai fait aussi, j'ai aligné, j'ai fait deux boîtes. Je vais vous les montrer. Je pense que je vous les montrer sur Facebook. Je vais décrocher ma caméra puis je vais vous montrer mon genre de setup. Vous voyez là, à terre, là, en avant, c'est la boîte de mes doublons. En arrière, c'est ma collection personnelle. J'ai vu dans les vidanges du voisin qu'il y avait des boîtes faites sur le long comme ça. Alors, je les ai coupées. Et puis, j'ai mis aussi... oups, excusez, là, ça shake, là. C'est pas chic, mais c'est ça. Des séparateurs, j'ai coupé des séparateurs en carton pour faire des rangées. Ben, du moins dans ma section collection. Alors, j'ai tout passé un par un, chacun des jeux de la boîte d'en avant avec les jeux de ma boîte de collection en arrière pour vérifier lequel avait un meilleur état et puis pour voir si je faisais un label upgrade. Ben, quand je dis un label upgrade, là, en passant, c'est vraiment juste de changer un jeu pour un autre. Là. Je ne change pas le label. Là. Donc, c'est ça. J'ai été content. Je n'ai changé peut-être une dizaine. Puis moi, je suis très comme, s'il y a la moindre petite tache sur un, puis que l'autre, il n'y en a pas, je le change, là, tu sais, je suis piqué comme ça. Alors, j'en ai peut-être changé une dizaine à peu près, mais là-dessus, il y en a 3-4, là, que c'est des upgrades quand même pas pires. Dont le fameux Darkwing Duck, ça faisait super longtemps que je voulais l'upgrader, et puis c'est finalement fait. Donc, je suis vraiment content. Et puis ensuite, j'ai retourné la boîte de bord, j'ai regardé tous les bacs un par un de ma collection Game Boy à moi. Puis tous les bacs qui restaient, qui avaient encore des taches dessus de crayon que j'étais pas capable de faire enlever ou qui étaient vraiment comme graffinés jaunes. J'ai tout switché les bacs de mes jeux qui étaient pas beaux avec des bacs des jeux que je veux vendre. Donc, c'est ça, là, puis ensuite, j'ai revisé mon application comme il faut. Puis tu sais, dans mon application, il y a 4 options. Dans le bas, t'as ta collection au complet, tes wanted, la liste des jeux au complet et les remaining. Donc, remaining, c'est les jeux qui me manquent. Moi, je regarde tout le temps ça pour acheter ce qui me manque. Mais je mets en... Vu que je les veux tous, les jeux de la collection, j'ai pas besoin d'avoir une liste de wanted. Je les veux tous. Mais je mets en wanted... tous les jeux que je sais qui sont pas en bon état de ma collection personnelle. Fait que dans le fond, ça me permet de chasser les jeux que j'ai déjà, mais qui ont besoin d'être changés éventuellement. Donc, je suis bien gros là-dessus. Écoute, j'ai tout mis wanted, tous les jeux que j'avais qui avaient un défaut important qui me gossait. Et j'ai aussi mis, puis je vais vous l'expliquer, dans le fond, voici un parfait exemple. J'espère qu'on va bien voir. Vous voyez ici, il y a deux jeux, Little Mermaid puis DuckTales. La plupart des jeux Game Boy ont eu un reprint ou une révision ou je sais pas quoi. Moi, je veux les premiers. Je veux le premier print de chaque jeu. Donc, je veux pas avoir de Player's Choice. Et puis, il y a des jeux, mettons, comme les Final Fantasy Adventure, que les premiers prints, c'est la couleur au complet, puis sur le label, et puis c'est Square, je sais pas quoi. Puis après ça, Sunsoft ont republié ces jeux-là, puis il y a un logo Sunsoft dans le bas. C'est pareil pour Félix de Cat. Le Félix de Cat, j'ai fait un upgrade, mais Electro Brain ont reprinté beaucoup de jeux de Game Boy, puis ont mis leur gros crisse de logo rectangle noir dans le bas. Puis ça, moi, je veux rien savoir de ça. Mais il y en a vraiment beaucoup, pour vrai. Là. Il y a genre deux versions de Star Wars, Chase HQ. Il y en a plein. Il y a aussi les versions canadiennes de plusieurs jeux, comme, mettons, toutes les Mario Land, Wario Land, F1 Race, ces affaires-là. Moi, je veux pas ça idéalement. Je veux juste du US First Print. Donc, tout ce qui est pas ça dans ma collection, puis je me suis rendu compte que j'en avais plus que je pensais, ben je vais chasser pour avoir le US First Print éventuellement. Le seul que je vais tolérer, bien sûr, c'est Zelda, Link's Awakening en français, mais je veux aussi le US normal, mais en français, c'est cool à avoir, fait que ça, c'est sûr que je le veux. Donc, si on regarde ici, Little Mermaid, je sais pas si la caméra va être capable de faire un focus. Hein? Ah oui. Regardez... Le genre de code sur le côté DMT DT USA pour DuckTales, puis Little Mermaid, il y a tiret 1. Vous voyez là sur le côté? Donc quand il y a un tiret 1, ça veut dire que c'est un reprint. Là, c'est facile pour Little Mermaid ici parce qu'il y a un Player's Choice, mais il y en a plusieurs qui ont un tiret 1 et qui n'ont même pas de Player's Choice dessus. Donc il faut tout le temps regarder ce petit code-là à gauche, et puis quand il y a un tiret 1, ça veut dire que c'est un second print. Et moi, je veux pas ça. Alors, j'ai regardé tous les jeux de ma collection, puis il y en a quelques-uns. Donc, je vais me débarrasser de ça éventuellement. Comme je vous dis, ça, c'est très, très, très, très, très pointu. On peut s'en foutre, là, tu sais. On peut faire un full set, puis avoir le premier print ou le deuxième print. C'est pas important. C'est vrai que c'est pas important, mais moi, personnellement, j'aime ça que, bien sûr, tout soit égal là-dedans. Alors, c'est ça. Mais sérieux, c'est pas pire. Mes jeux sont en bonne condition, vraiment. J'en ai pas beaucoup qui sont moins beaux. J'en ai pas qui sont comme vraiment laids, dégueulasses. Parce qu'il y en avait un dans la collection que j'ai décidé de pas garder, même si je l'ai pas parce qu'il était vraiment pas beau, là. Et puis, ben tiens, je vais vous montrer. C'est un jeu qui vaut rien, là, mais celui-là, là... Là, il est trop jaune, là, lui, là, puis le label est scrap. Donc, moi, je veux pas garder ça. Alors, ce genre de jeu-là que je n'ai pas gardé. Mais attendez, je vais checker. Ouais. Ça fait pas de la bonne TV, mais je vais vous expliquer mon point comme il faut avec Chase HQ, justement. Oups. Donc, là, encore une fois, j'essaie que ma caméra, ma webcam focus. Donc, à droite de l'écran, Chase HQ, publié par Taito. À gauche, Chase HQ, publié par Natsume. C'est le même jeu. Puis vous voyez, à gauche, il y a un tiret 1 à côté du USA. Donc, c'est ça. Moi, je veux pas de petit tiret, je veux le premier print. Donc, dans ce cas-ci, c'est Taito qui gagne. Donc, c'est ces affaires-là que je surveille. Là, je sais que j'ai un Turrican là, qui est Sunsoft, là, j'aime pas ça. Il me manque aussi Final Fantasy III. Tous ceux que je vois, c'est tout publié par Sunsoft, mais moi, je veux le tout mauve, là, le non publié par Sunsoft. Il y a aussi un Centipede qui est publié par Accolade, qui est vraiment, vraiment moins commun que l'autre Centipede. Je sais pas si c'est le même jeu, il va falloir que je me renseigne par rapport à ça. Mais c'est ça, je travaille là-dessus, ça fait des... Ça me maintient de bonne humeur, ces affaires-là. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à gosser sur cette affaire Game Boy-là, et puis ça m'a vraiment rempli de bonheur. Et puis, j'ai commencé à faire la vente à l'unité, dans le fond, de tous les doublons. Et puis, j'en ai vendu quand même pas mal. J'ai publié ça un peu partout. J'ai commencé à publier ça directement sur ma page Papa Cassette. C'est la première place que j'ai publiée pour vous offrir ça. Puis, je me rends compte aussi que je publie jamais là, en premier, ou comme je vends plus de jeux sur ma page Papa Cassette. Mais je vais recommencer à le faire, je pense. Quand j'ai des affaires de ma collection personnelle que je veux qu'ils partent... Je vais y aller là en premier et puis je ferai le tour des groupes Facebook après. Et puis, c'est ça. Parce que ça marche bien, tu sais. Ça part du temps dans les groupes Facebook, c'est genre, peux-tu me le mettre de côté? Tu sais, le monde me pose mille connes questions, tu sais. Fait que, puis ça m'énerve. Fait que, au moins, vous qui êtes sur ma page Facebook, vous êtes intelligent. J'aime ça. Donc, la business, ça roule bien dans ce temps-là. Et ça, là, la bonne business, ça me fait plaisir. Pas de petit niaisage. Ça, c'est le prix. Tu veux négocier? Ben ouvert à jaser. On s'arrange. C'est fait. Tu me payes maintenant. Je te fais le shipping. Tu l'as. C'est réglé. Moi, je veux que ça soit simple. Moi, les transactions de gossage, là, ça en dit bien gros sur votre personnalité, je vous le dis. Faites attention à ça. Ah, négocieux de 2$. Et puis, ouais, sinon, dans mes autres acquisitions, ben pas grand-chose. C'est bien suffisant, le Game Boy. Mais il y a deux jeux de Switch que j'ai pris au magasin. Celui-ci, Xeo Drifter, qui est un jeu qui... j'en ai parlé aussi sur ma page Facebook. C'est un jeu, c'est un genre de petit Metroidvania. Super cute, super simple. J'aime beaucoup la pochette, par exemple. Là, je trouve qu'ils l'ont bien réussi. Là, pour... c'est très badass pour un petit jeu qui est vraiment pixel sprite cute. Là. Et puis ça, c'était sorti dans le temps sur 3DS. Après Mutant Mods, c'était à l'époque Renegade Kid, mais Renegade Kid se sont splittés, et puis comment il s'appelle donc? Jules Watcham, je pense, c'est ça qu'il faut, c'est comme ça son nom. Il a reparti ça, il s'est reparti tout seul de son bord, et puis son studio s'appelle Atui, comme ça. Donc il y a encore les droits sur Mutant Mods et Xeo Drifter. Donc bref. Longue histoire courte, vous irez lire ça si ça vous intéresse, mais Jason il est très présent sur Twitter, et puis... Pourquoi Jason? Jules, excusez, j'ai tout le temps Jason dans la tête. Fait qu'en tout cas, ce jeu-là, est sorti. Là c'est PAL, parce que ça existe juste en version PAL, et puis ce jeu-là est sorti sur la 3DS il y a plusieurs années. C'est un jeu court, vraiment, très très simple, donc c'est juste pour le fun. T'sais, faut pas haïr ce jeu-là parce que c'est pas assez long. C'est cute, ça se fait bien, c'est plaisant. Donc, c'est pur gameplay le fun. Et puis, je suis bien content d'avoir ça. Ça faisait des mois qu'on pouvait le précommander ou le commander ou qu'on nous en avait parlé, dans le fond. Que nos fournisseurs chez Retro Montréal nous en avaient parlé. Et puis, c'est finalement arrivé. Puis, on a commandé pas mal et puis, ils se vendent bien. Donc, bravo à vous, chers gens qui achetaient ça. Vous êtes sur la coche. Il y a aussi une collection de Mighty Switch Force qui va sortir de nos amis WayForward. Puis moi, ça, c'était dans mes débuts de 3DS aussi. Je trippais là-dessus bien raide. C'est super le fun. Et puis, il y a une collection de ça qui s'en vient, physique. Et puis, je veux vraiment, je vais être là-dedans. Là. Au bout, j'ai hâte d'avoir des nouvelles de ça. Mais sinon, la semaine prochaine, c'est Hotline Miami qui arrive. Très, très cool. Puis, je me suis commandé World of Goo. Parce que j'ai découvert sur Facebook un groupe qui s'appelle, puis je vais vous le dire, comme ça vous pourrez le joindre si vous voulez. Là. Attendez, ça s'appelle Nintendo Switch Physical Game Collectors. Donc ça a l'air cucu de même, là, mais il y a 7800 personnes là-dessus. Et puis grâce à ce groupe, j'ai découvert qu'il y avait des jeux que je ne connaissais même pas l'existence. Ça, c'est du monde qui sont vraiment maniaques. Surtout des, il y a beaucoup, je pense, d'Européens là-dedans et tout. Donc vous voyez passer beaucoup de jeux pâles et puis tout ça. Ce qui est une bonne chose parce qu'il y a bien des affaires qui ne sont que pâles, tu sais. Mais c'est très varié, sérieux, là, c'est vraiment varié. Mais c'est un groupe américain, donc pensez que les prix sont en américain. Mais moi, je browse, puis le monde, ils font des full sets. Ils en achètent, c'est fou, là, des lots là, de jeux Switch. Donc, le monde, ils vont vraiment pour la quantité, là, pour la plupart. Puis j'ai découvert que World of Goo existait sur cette page-là, donc c'est très cool. Et puis il y a plein de monde qui vendent des jeux aussi, alors les Limited Run, des fois vous avez raté votre shot, ben ça se peut que vous en trouviez là-dessus. Donc très cool groupe, je vous invite à vous joindre à ce groupe-là. Parce que moi personnellement, à part NES, Super NES, Game Boy, on dirait que ma collection que j'ai le plus à cœur dans ma collection, c'est ma collection Switch. J'aime vraiment ça, la Switch. Je joue à ça. J'aime les jeux physiques et tout. Et puis, j'en ai beaucoup. Quand je les finis, je les garde. C'est, tu sais, comme j'ai joué à ce jeu-là. C'était une belle aventure. J'ai eu du plaisir. Je reglisse ça sur la tablette. C'est comme, ah, c'était des beaux moments. Blasphemous, Shanté, whatever. Tu sais, tout ça, tous ces jeux-là, ça me rend heureux. Odalus, tu sais, Unken. Je vais y rejouer un moment donné, peut-être pas, vraiment dans plusieurs années, parce que j'ai tellement de jeux à jouer. Mais c'est pas grave. Moi, j'aime ça, avoir ça. Sérieux, si j'avais quatre affaires à garder de ma collection, ça serait ces quatre affaires-là, parce que c'est les quatre choses auxquelles je joue le plus. Et puis, sérieux, la Switch, man, quelle belle machine. Hein. Quelle belle machine. Et puis, le physique sur Switch, moi, ça me remplit de bonheur. Et puis, voici un autre jeu que je me suis pogné aussi. Là. Il y a du flair à cause qu'il est encore emballé. De chez Retro Montréal, Horizon Chase Turbo. J'avais jamais joué à ça. Et puis, c'est drôle parce que mon fils m'a appris que c'est un jeu mobile. Mon fils a joué à ça il y a super longtemps. C'est ça qu'il me dit. Je montre ça à mon gars. Hey, regarde le jeu. Tata, tata. Il dit, bah, j'ai joué à ça. Moi, j'ai déjà joué à ça. Là, je le croyais pas, mais effectivement. Donc, j'étais un peu en retard là, dans ce que c'est exactement ce jeu-là. Je pensais que c'était un genre de Top Gear-like fait par les gens qui trippent sur Top Gear avec le gars qui a fait la musique de Top Gear. C'est peut-être le cas. Il me semble que c'est le cas. Du moins, c'est pour ça que j'ai acheté ça. Mais bon. Et puis, ça, c'est le cover de nuit. Ils ont fait un cover de jour aussi. Là. De base, le cover est de jour. Puis c'est drôle parce que chez Retro Montréal, on a commandé une quantité égale des deux. Puis c'est juste les covers de nuit qui se sont vendus. Donc, on en a recommandé. Et puis, on a encore des covers de jour. Alors, voilà. On voit que les gens y aiment la nuit. Et c'est très bien. Donc, je vais jouer à ça éventuellement. Là, parce que ces temps-ci, j'ai joué à des choses. Puis, je vais en parler là. Sur Switch, la dernière grande aventure que j'avais vécue, c'était Oniken et Odalus. Et puis là, je me suis dit, OK, là, il y a des affaires qui traînent, je vais rejouer à d'autres trucs avant de me lancer dans une aventure. Et puis, j'ai commencé à jouer à Contra Rogue Core. Et puis, je trouve le gameplay de ce jeu-là bien correct. Mais ce que j'ai découvert, puis Fred m'avait mis en garde, c'est le système d'armes. Man, c'est super compliqué. J'ai des amis qui trippent solide sur ce système-là, puis genre, il y a des legendary weapons, puis dedans, puis... Dans le fond, ce contrat-là, il y a énormément de grinding à faire, et puis il y a beaucoup, beaucoup de d'armes que tu peux construire, tu peux des body parts, tu peux modifier tes body parts aussi pour les rendre ton corps est plus puissant, ça développe tes stats, tout. Man, il y a tout un gigantesque univers de custom, de faire des armes et tout, avec des matériaux que tu ramasses. Moi, je n'avais pas vu ça venir. Si, mais puis je trouve l'interface, je comprends pas. Je me suis pas assez penché là-dessus encore, mais ça aurait été le fun que je comprenne du premier coup, mais c'est pas le cas. Je trouve c'est bizarre. Déjà que le jeu il est pas beau graphiquement, là, tu sais, puis dans le menu, tu rentres dans un menu, au début c'est petit, c'est comme ah, man, c'est ça, tu sais. Le système est pas plaisant. Mais j'ai des amis qui ont une forme supérieure d'intelligence et puis qui ont comme compris cette affaire-là, puis qui trippent au bout, là, ils se bâtissent des sheets avec les guns dedans. Et puis, ceux qui m'écoutent, ils, bravo, je parle. Matt, salut, Matt, t'es bon, je parle de toi. Je t'admire. Et puis, ouais, mais j'ai pas... ça m'a ralenti, là, je vous dirais. Puis, il y a quatre personnages, puis on dirait qu'il y a juste le personnage principal qui fait une bonne job. Les autres, ils ont des armes de courte portée, inefficaces. Là, c'est comme, ah, OK, il faut que je les grind tout de suite, eux autres, genre, pour pouvoir les... T'sais, donner de la force pour commencer, je sais pas, t'sais. Donc, ouais, j'ai mis ça, j'ai laissé tomber un peu ça, puis là, mes enfants se sont mis à jouer sa Switch aussi, chose qu'ils avaient arrêté de faire depuis un bout, donc j'ai un peu moins accès à ma Switch, mais sinon, je pense que je vais me repartir une aventure. Ben, je vais faire Xero Drifter, parce que ça fait super longtemps que je l'ai pas fait, puis c'est court, relax et plaisant, et puis, je pense que je vais commencer... le nouveau Gunvolt là, Chronicle Luminous, je sais pas quoi, là, j'ai oublié le titre. J'ai acheté ça il y a longtemps, je l'ai pas fait encore, donc tu sais, je vais clencher ça. J'ai bien des projets de Switch, donc c'est ça. Mais sinon, j'ai joué, écoute, j'avais streamé ma game de Demon's Crest. Il y a, dans un de mes derniers streams que j'ai fait, j'arrivais à la fin de Demon's Crest. Et puis ceux qui étaient là ont vu que j'ai battu le boss de fin, mais j'avais pas ramassé tous les items. Puis j'avais lu sur internet que quand tu finissais le jeu, anyway, te donnait un password pour aller faire la vraie fin. Puis c'est le cas, mais il fallait avoir les bons items avant. Donc, j'avais un password, j'ai joué live avec les gens pendant 2 heures, j'ai fini le jeu et ça s'est arrêté là. Fait que j'ai pas pensé à me faire un password avant d'aller affronter le boss de fin. Fait que dans le fond, tout ce 2 heures de jouage-là a servi à rien parce que j'avais pas tous les items pis that's it. Fait que ça m'a découragé en esti. Mais le jeu, il est tout le temps là, qui me regarde, là, t'sais, il était encore dans la machine. Puis, couple de semaines plus tard, je dis là, ça fait, là, t'sais, j'y retourne. Je refais ça, puis vu que j'avais comme trouvé où passer, où est-ce que je restais pris pendant mon stream, j'ai tout refait ce que j'avais fait, et puis pour être franc, c'est allé quand même très vite. Là. 1 heure, puis j'avais tout clenché ça, puis j'avais trouvé d'autres affaires, donc j'étais vraiment super bien avancé, ça m'a redonné full de joie. Et puis j'ai regardé sur internet aussi pour aller chercher les petites choses qui me manquent, parce que c'est un jeu ça qu'on a comme vraiment pas le choix de faire ça. Il y a une affaire que je peux dire que j'aurais probablement jamais trouvé parce que c'était juste passe à travers un mur, puis il y a tellement de murs dans ce jeu-là, j'aurais jamais trouvé ça. Mais pour tout le reste, j'aurais fini en gossant pendant plusieurs heures, t'aurais fini par trouver ça, t'sais. Mais là, la vie est courte et puis on est vieux, puis Internet existe, fait que j'ai pas 10 heures de recherche à mettre là, dans un jeu pour trouver des affaires que j'aurais trouvées anyway, donc je me suis aidé avec ça. J'aime pas faire ça. Mais c'était pas trop pire, là, t'sais, je considérais pas ça comme une très grande triche, mettons. Mais, par contre, il y a une affaire, un life upgrade qui me manquait, et puis la place où est-ce qu'il faut le trouver, c'est qu'il faut réussir un espèce de jeu d'adresse de headbutt. Ton personnage donne des headbutts dans ce jeu-là pour casser des statues ou des affaires. Et puis, ça, ce jeu-là, c'est des genre 4 par 4 cases, ou peut-être même 6 par 6, des petites têtes de mort qui apparaissent dans des trous comme ça un peu partout, puis il faut que tu headbutt les têtes de mort. Faut pas que t'en manques genre plus que 2 ou un esti d'affaire de fou parce que il y a 3 levels de ce jeu-là à 3 places différentes. Faut que tu réussisses le level 3. Puis le headbutt, c'est pas genre tu pèses, il headbutt. Quand tu pèses sur le bouton, le headbutt, il y a comme 2 secondes de temps entre le pesage sur le bouton et le réel impact dans le jeu. Puis, il y a dans ces petites affaires-là qui clignotent, il y en a qui sont dans les airs. Fait que tu faut que tu planifies ton jump avec le 2 secondes pour péter genre la tête de mort qu'il y a dans les airs, tu sais. Puis vu que dans les airs, il y a 4 niveaux de dans les airs, ben là, c'est 4 apprentissages de timing, de vous comprenez ce que je veux dire? C'est super difficile. C'est vraiment difficile. J'y arrive pas, Chris. Puis j'ai joué, puis j'ai fait les premiers niveaux de ce jeu d'adresse-là. Mais sérieux, là, je suis vraiment en colère, là, tu sais, il faut que j'apprenne à réussir à faire ce jeu de cave-là pour avoir le dernier truc qui me manque pour affronter le réel boss de fin puis réellement finir le jeu, moi qui ai full travaillé fort là-dessus. Sérieux, c'est vraiment pas juste, et puis ça, c'est con, il aurait jamais dû faire ça. Déjà que ce jeu-là, c'est vraiment difficile de tout trouver, tu sais, ce jeu-là est excellent, mais leur maudit twist de pouvoir le finir en 2 secondes, d'avoir une mauvaise fin, de le finir beaucoup plus tard, d'avoir une autre mauvaise fin, puis tu sais, comme donner des indications, je sais pas, puis enlever ça de headbutt, là, man, c'est vraiment de la merde. Je suis vraiment déçu de ça, puis là, ça m'a redécouragé. Je vois pas, là, je me suis entraîné, là, quand j'allume mon password, je mets mon password, je commence à jouer, là, on garde pas notre argent là-dedans avec le password. Puis ça coûte de quoi jouer à ça? Ça coûte 20$. Fait que là, je vais dans le niveau 2. Et puis là, je pète des boss. Je pète du monde pour ramasser de l'argent. Pour être capable de me payer une coupe de game de ce jeu d'adresse de marde-là. Et puis je joue. Puis là, j'ai plus d'argent. Je retourne me refaire de l'argent pour me repratiquer. Hey man, sérieux là. Fuck off là. C'est vraiment décevant. Fait que ça, c'est une frustration que j'avais. J'ai laissé tomber le jeu. Et puis là, j'ai joué à... Je me suis dit, je vais faire de quoi que ça fait longtemps qu'il faut que je fasse. Puis en tant que gamer NES, c'est une vraie honte que j'ai pas fait ça. Je vais finir The Guardian Legion au NES, qui est un excellent jeu. Mais au premier abord, moi, ce jeu-là me faisait un peu peur parce qu'il fallait que tu te promènes un peu partout. Mais finalement, c'est vrai que c'est pas compliqué. C'est du top-down shooter comme Blaster Master, quand t'es le bonhomme, et puis du shmup. Donc, c'est un jeu magnifique avec la bonne musique, tout ça. Le jeu, il est parfait. Et puis, faut faire des passwords. Donc, il y a des passwords là-dedans. Et puis, j'ai joué comme super longtemps. Je pense que je devais certainement être proche de la moitié du jeu. Et puis, j'ai pris mon password. Mais, tu sais, je l'ai pas noté sur un papier. Là. J'ai pris une fucking photo du password. Là. Un pour un, tu sais, tu peux pas te tromper. C'est ça qu'il y a dans l'écran. Fait que j'ai pris une photo du password. J'ai fermé ça. Et puis, je me suis remis à ça le lendemain. Je rentre le password, qui est très long et très compliqué à rentrer en passant. Puis le password ne marche pas. Il ne marchait pas. Là, je suis comme, OK, attends, là, regarde comme il faut. Là. Je regarde mon téléphone, je regarde dans TV. C'est un pour un exactement le même password et il ne fonctionne pas. Là, Colin, je n'ai pas recommencé ça depuis le début. C'est ça. Les dieux du gaming sont contre moi présentement, ils veulent pas que je finisse mes projets. Fait que ça m'a vraiment mis en colère. Fait que fuck off, j'ai fermé ça, puis là, ben, je joue à rien. je sais pas, ces temps-ci, je game moins ces temps-ci d'ailleurs. J'écoute Narcos avec ma femme, série qu'on n'avait pas écouté encore, puis je suis très bien raide. Mais non, pour vrai, j'ai une petite game d'un jeu de Power Rangers sur le DS. Commence à être un peu répétitive, c'est très bon, mais c'est très répétitif, puis je vais me starter de quoi sur Switch. Je voulais jouer au Game Boy, un peu explorer un peu mes jeux de Game Boy, j'avais commencé à faire ça, mais pour être franc, je game vraiment moins ces temps-ci, donc c'est ça qui est ça, mais c'est pas grave, hein? Pas obligé de gamer tout le temps. Je vis des activités sociales avec des amis, et puis là, je vais me remettre au travail, je vais retravailler un peu. J'ai pas fini, je vous ai parlé d'un projet, d'un projet secret, mais j'ai mentionné dans un podcast précédent que j'avais des choses que je faisais. En fait, j'ai le droit de vous dire que je travaille sur des projets par rapport à Panzer Paladin, le prochain jeu de Tribute, et je suis très fier de ça. Par contre, je peux pas vous dire exactement ce que je fais dedans, mais très bientôt, on va pouvoir annoncer plein d'affaires, donc très heureux de ça. Et puis, aussi, vu que les bars peuvent réouvrir, il serait peut-être question finalement de réussir à faire le lancement du jeu dans le bar. Donc j'ai reparlé aux gars, puis je leur ai mentionné que ça serait vraiment le fun de faire ça. Donc ça me donne un peu de courage et de joie. ces petites choses-là. Et puis, j'aimerais bien travailler à temps plein, en fait, chez Tribute. Et puis, je l'ai mentionné au propriétaire. On va voir. Je travaillerai avec Fred. Je travaillerai avec un ami à nous, Éric Lafontaine, qui est vraiment un cool guy. Et puis, c'est une entreprise que je respecte beaucoup. Donc, je préfère du UI, je préfère du médias sociaux, je préfère être le graphiste pour l'entreprise, les jeux, whatever. Je suis sûr que je pourrais faire bien des affaires, puis comme je serais bien motivé, là, tu sais. Fait que ça serait plaisant. Mais on verra. Ça fait partie d'une des perches que j'ai tendues pour mon avenir. Mais travailler dans le jeu vidéo, ça serait pas désagréable à mon avis. Je me vois moins retourner travailler. Je me vois pas du tout, en fait, retourner travailler en agence de marketing, de pub ou de design. Je pense que ça me tenterait pas. Je voudrais rester. Je me tannerais, tu sais. Ça serait pas la vraie affaire. Je voudrais vraiment rester dans le gaming. Fait que ça serait cool. Puis tu sais, ce que je fais pour eux présentement, c'est du gaming. Puis je suis comme super motivé à le faire. Là, tu sais, j'adore ça. Là, tu sais. Donc voilà, c'est bien plaisant. On va voir. Donc ça va conclure pour moi. Je vois que j'ai bien des messages qui pop là. Tiens, il y a du monde qui veut nous vendre des jeux. Nanana. En passant, si vous nous écrivez chez Retro Montréal pour vendre des jeux, je veux juste vous dire qu'on croule. Genre, on va mourir bientôt en dessous du Xbox 360, du PS2, du PS3. Le Xbox original, ça, c'est quand même bien. On n'en a pas beaucoup, puis ça vend bien. Mais ça, on en a, là, sérieux. On en a. Tu sais, il y a des gens qui nous écrivent, « Hey, voici, j'ai des jeux de PS3 à rendre. Combien ça vaut? » Puis il y a comme 5 jeux de sport, tu sais. C'est bien correct, là. Le monde se renseigne, mais tu sais, on donne pas grand-chose pour ça, là. Tu sais, personne donne grand-chose pour ça, présentement, parce que tout le monde se débarrasse de ça. Donc, vous aurez pas une fortune avec ça. Donc, voilà. Mais, ouais. Ça conclut pour aujourd'hui le spectacle. Donc, merci à tous d'avoir écouté ça. Aussi, va bien falloir que je finisse ma collection Super NES. Hein? Il ne m'en restait pas beaucoup à faire, donc dans un prochain épisode, ça sera peut-être ça. Je vais finir de présenter ma collection Super NES, qui n'a pas vraiment bougé, depuis la dernière fois. Il faut dire qu'il ne me manque pas grand-chose pour être heureux, alors ça c'est bien. Merci beaucoup d'avoir écouté ce beau programme et puis surveillez ma page Facebook tout le temps. Merci à mes Patreons et on se dit à très bientôt.